La circulation s'établit en files ininterrompues. Je dois me rabattre entre les deux camions. Oui, réponse A. Non, réponse B.